aujourd'hui les enfants, dans la rubrique Les recettes poissonnières d'Anthony, Anthony vous présente de nouvelles préparations culinaires pour différentes sortes de boissons. Prenez un enfant, de préférence une fille. Tout petit, apprenez-lui à être raciste et homophobe. Elle grandira avec et gardera ses idéologies, puis deviendra vieillerie et snob. Voilà, c'est fini, ne la touchez plus, vous avez là une morue. Les recettes poissonnières d'Anthony. Prenez quelque chose de vide, un trou quelconque, entourez-le d'une femme, belle ou moche, peu importe. N'abandonnez donc pas, la recette n'est plus longue. Rajoutez-y quelques poils et odeurs de toutes sortes. Voilà, c'est fini, redevenez cool, vous avez là une moule. Les recettes poissonnières d'Anthony. Prenez une adolescente, pas très belle, faites-la sortir avec tous les garçons du collège. Faites-la adulte prostituée, 30 balles pour lui rouler une pelle. Avec son macro, elle prendra goût à la neige. Félicitations, c'est terminé, vous avez là une raie.